Il fait dimanche quand tu souris et par les persiennes baissées un rayon de soleil rougit les murs de notre lit douillet. Il fait dimanche au bord de l'eau. Vin blanc glacé sous les glycines, quand sur ta bouche reviennent les mots, ces premiers mots que l'on devine. Il fait dimanche et tous les jours. À chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans bruit. Il fait dimanche à Marrakech, dans l'ombre d'une de ses ruelles. Quand je vole sur tes lèvres fraîches le sucré des cornes de gazelle. Il fait dimanche et tous les jours. À chaque fois que tu souris, c'est passe sans bruit. Il fait dimanche en bord de mer. Quand je compte en grains tes baisers, même le plus grand des déserts n'emplirait pas mon sablier. Il fait dimanche et tous les jours. À chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans. Sur le temps qui passe sans bruit. Sur le temps qui passe sans bruit. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter mon ami Laurent Voulzy.